Mesdames, messieurs, dans quelques instants, en nouvelle émission, vous allez entendre diffuser de la Comédie française à Paris une comédie en 5 actes, en prose, de Molière. Les Amants magnifiques, mêlés de musique et d'entrée de ballet, intermèdes empruntés à La Fontaine, musique de Lully, orchestration et partition nouvelle d'André Jolivet. En voici l'interprétation, Georges Chamara, Anaxarque, Robert Hirsch, Clitidas, Bernard Dérand, Iphicrate, Jacques Toja, Tirnoclès, Georges Descrières, Un gentilhomme, Annie Ducot, Aristione, René Faure, Eriphile, Nelly Vignon, La fausse Vénus, et Annie Girardot, Cléonis. Avec les artistes du divertissement, Georges Baconnet, Le Bonhomme, Marco Béard, Le Lion, Teddy Bilis, Le Deuxième Faune, Tony Jacquot, Licarte, Charles Millot, Le Chien, Claude Winter, Caliste, Drancourt, Ménandre et Jacques Rameau, Le Singe, ainsi que les élèves du conservatoire, Beaune, Premier Faune, Voringer, L'Ours, Pérou, L'Âne, et Mademoiselle Zucchini, Perrette, avec la voix de Roland Alexandre dans le rôle de Sostrate. Charles Houlmont, qui assure la présentation du spectacle, vous parle. Peut-être un des critiques les plus écoutés de la fin du XIXe siècle, Émile Faguet, n'a-t-il pas tout à fait raison en étant aussi sévère qu'il l'est pour la pièce commandée à Molière par le roi afin de s'adapter à une série de divertissements, lorsqu'il déclare qu'elle ne pouvait guère être bonne et ne l'est point, bien que Molière y fasse preuve, dit-il, d'ingéniosité, d'esprit et d'imagination. Il se rend vite compte lui-même de son injustice d'ailleurs, puisqu'il détache de la pièce des scènes comme celle où Clitidas se fait arracher par la princesse l'aveu que Sostrate l'aime, et celle où la princesse veut faire dire à Sostrate quel est celui de ses amants qu'il lui conseille d'épouser. « Ce sont des modèles de marivaudage », déclare Faguet. Et il remarque encore qu'il y a quelque part un petit discours ironique sur l'astrologie, si plein de bon sens et d'esprit qu'on le dirait vraiment dirigé contre la médecine. Enfin, il admire la création de ce personnage du plaisant de cour qui n'est pas tout à fait le bouffon et qu'il déclare le plus spirituel du monde. Mais il y a aussi, et ce n'est pas négligeable, l'audace de Molière, il n'en était pas à une près, de s'être inspiré des amours de Lauzun et de la grande mademoiselle, audace d'autant plus grande que celle-ci assistait au spectacle, les textes en font foi, et qu'on savait déjà à la cour le roman vrai, plus passionnant que ceux que pourrait imaginer un romancier et qui devait se terminer de la façon lamentable que l'on sait. On pense donc que ce n'est pas par hasard que Molière, ennemi des conventions trop rigoureuses, place à côté des deux amoureux de la jeune princesse le très humble Sostrate dont elle était prise et qu'elle finira par épouser grâce à un stratagème qui rend le jeune héros encore plus sympathique à tous et permet à celui-ci de monter tout à coup en grade et de n'étonner point en recevant des mains de la mère celle de sa ravissante fille. Il n'était pas encore question alors de l'emprisonnement de Lauzun à Pignerolles qui ne devait avoir lieu qu'une année plus tard. Que Molière se soit inspiré du Don Sange de Corneille, que les amants magnifiques aient été froidement accueillis et même à la reprise, qu'ils aient été rajeunis par Dancourt au XVIIIe siècle, un prologue et les divertissements de sa façon le prouvent, que Molière ait joué le rôle de Clitidas, ce plaisant le cours, l'inventaire publié par Soulier nous donne d'ailleurs tous les détails de son costume, qui est aujourd'hui porté par l'éblouissant Robert Hirsch, très exactement, que le roi ait dansé ou non à la première représentation et puis ne l'ait plus fait, à cause d'une remarque du Britannicus de Racine rappelant que les Romains avaient blâmé l'empereur de se donner en spectacle sur un théâtre, ce sont là des détails de moindre importance. Ce qui importe avant tout, c'est l'éclatante réalisation de 1955, qui fait honneur à la Comédie française et est tout à fait dans la tradition, puisqu'un certain Robinet notait, comme nous avons plaisir à le faire aujourd'hui, dans une lettre en vers à Madame, à propos du spectacle extraordinaire de 1670, voilà des vers de Mirliton, j'en excuse Robinet, mais je vous les donne tels quels. « Il passe tout ce qu'on a vu, de plus grand, de mieux entendu, de plus galant, de plus magnifique, de plus mignon, de plus héroïque. Et la Gazette dit de son côté que leur majesté fut ravie d'un divertissement justement appelé royal, puisque les belles choses dont il est composé sont accompagnées, dit-il, de toute la magnificence imaginable. Le spectacle fut jugé des mieux concertés, qui est encore paru dans une cour à qui toutes les autres le cèdent en matière de magnificence et de galanterie. Songez donc, les amants magnifiques donnés d'abord le 4 février à Saint-Germain, au vieux château, le 30 janvier 1670, avaient déjà coûté à peu près 60 000 livres. On ose à peine calculer la somme en monnaie d'aujourd'hui. Molière, pourtant, ne songea pas à jouer la comédie-ballet sur son théâtre, ni à la faire imprimer, il faut le dire. La mise en scène de Jean Meyer apporte, en dehors de son évidente beauté, d'une habileté à quoi l'on se plaît à rendre hommage publiquement, cette innovation heureuse d'avoir uni le bonhomme La Fontaine à Molière pour le triomphe total de cette comédie-ballet. Ce sont en effet des fables célèbres qui servent de prétexte au divertissement et, je vous le demande, qu'est-il de plus naturel que de voir ainsi danser les animaux pour charmer la jeune princesse. Le roi, qui ne veut que des choses extraordinaires dans tout ce qu'il entreprend, s'est proposé de donner à sa cour un divertissement qui fut composé de tous ceux que le théâtre peut fournir. Et pour embrasser cette vaste idée et enchaîner ensemble tant de choses diverses, Sa Majesté a choisi pour sujet deux princes rivaux qui, dans le champêtre séjour de la vallée de Tempé, où l'on doit célébrer la fête des Jeux Pythiens, régalent à l'envie une jeune princesse et sa mère de toutes les galanteries dont ils se peuvent aviser. Ballet des grenouilles. Autour d'un premier sujet, les grenouilles font des grâces. Parler plus longuement sur l'adorable musique de Lully. L'arrière-plan paraît le soleil sur son char. Le pouvoir posséder la nature entière, et le monde n'a son espoir qu'au seul bienfait de ma lumière. Bienheureuse de toutes parts et pleine d'exquises richesses, les terres de mes regards. Le char du soleil disparaît pendant que les grenouilles le menacent du poing. Monsieur de La Fontaine paraît, regarde les grenouilles. Les reines des étangs. Grenouille, veux-tu dire ? Il a été suivi aussitôt de Clitidas, c'est-à-dire de Robert Hirsch. Contre leurs bienfaiteurs aux airs cavalés, le soleil, à leur dire, allait tout consumer. Il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes. Aussitôt qu'ils faisaient un pas, ambassade croissante allait dans tous les états, allait jouir tout le monde. Toute la machine ronde roulait sur les intérêts de quatre méchants marais. Cette plainte téméraire dure toujours, et pourtant... Grenouille, dois-je se taire et ne murmurer pas tant. Car si le soleil se pique, il leur fera sentir. La République aquatique pourrait bien s'en repentir. Voici que Clidilas danse, entouré des petites grenouilles. Le décor a changé très rapidement. Au fond, un arc de triomphe. Tout près de la fontaine. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup en langue des dieux parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes à qui mieux y font divers personnages, les uns fous, les autres sages. De telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. Et paraît Sostrate. Il est attaché à ses pensées. Non, Sostrate, je ne vois rien où tu puisses avoir recours. Et tes mots sont d'une nature à ne te laisser nulle espérance d'en sortir. Il résonne tout seul ? Hélas ! Voilà des soupirs qui veulent dire quelque chose, et ma conjecture se trouvera véritable. Sur quelle chimère, dis-moi, pourrais-tu bâtir quelque espoir ? Et que peux-tu envisager que l'affreuse longueur d'une vie malheureuse ait des ennuis à ne finir que par la mort ? Cette tête-là est plus embarrassée que la mienne. Ah, mon cœur, où m'avez-vous jeté ? Serviteur, seigneur Tostra ! Où vas-tu, Clitidas ? Mais, vous plutôt, que faites-vous ici ? Et quelle secrète mélancolie, quelle humeur sombre, s'il vous plaît, vous peut retenir en ces lieux ? Tandis que tout le monde a couru en foule à la magnificence de la fête dont l'amour du prince Iphicrate vient de régaler la promenade des princesses. Je me figure assez sans la voir cette magnificence. Et tant de gens d'ordinaire s'empressent à porter de la confusion dans ces sortes de fêtes que j'ai cru à propos de ne pas augmenter le nombre des importuns. Vous savez bien que votre présence ne gâte jamais rien et que vous n'êtes point de trop en quelque lieu que vous soyez. Votre visage est bienvenu partout. Et il n'a garde d'être de ces visages disgraciés qui ne sont jamais bien reçus des regards souverains. Vous êtes également bien auprès des deux princesses. Et la mère et la fille vous font assez connaître quelle estime elles font de vous pour n'appréhender pas de fatiguer leurs yeux. Et ce n'est pas cette crainte, enfin, qui vous a retenu. J'avoue que je n'ai pas naturellement grande curiosité pour ces sortes de choses. Mon Dieu! Mais quand on aurait une curiosité pour les choses, on en a toujours pour aller où l'on trouve tout le monde. Et quoi que vous puissiez dire, on ne demeure point tout seul pendant une fête, comme vous faites, à moins d'avoir en tête quelque chose qui embarrasse. Que voudrais-tu que j'y puisse avoir? Je ne sais d'où cela vient, mais ils sentent ici l'amour. Ce n'est pas moi? Ah! Par ma foi, c'est vous! Mais tu es fou, Clitida! Je ne suis point fou! Vous êtes amoureux! J'ai le nez assez délicat et j'ai senti cela d'abord. Sur quoi prends-tu cette pensée? Sur quoi? Vous seriez bien étonné si je vous disais encore de qui vous êtes amoureux? Moi? Oui! Oui, je gage que je vais deviner tout à l'heure celle que vous aimez. Ah! J'ai mes secrets. Aussi bien que notre astrologue, dont la princesse Aristione est entêtée. Et s'il a la science de lire dans les astres la fortune des hommes, j'ai celle de lire dans les yeux le nom des personnes qu'on aime. Tenez-vous un peu et ouvrez les yeux. Et par soi. R. I. R. I. Vous êtes amoureux de la princesse Erifie? Clitidas, j'avoue que je ne puis cacher mon trouble, et tu me frappes d'un coup de foudre. Ah, vous voyez que je suis savant. Hélas, si par quelque aventure tu as pu découvrir le secret de mon cœur, je te conjure au moins de ne le révéler à qui que ce soit, et surtout, de le tenir caché à la belle princesse dont tu viens de dire le nom. Sérieusement parlant, si dans vos actions j'ai bien pu connaître depuis un temps la passion que vous voulez tenir secrète, pensez-vous que la princesse Eriphil puisse avoir manqué de lumière pour s'en apercevoir? Oh! Les belles, croyez-moi, sont toujours les plus clairvoyantes à découvrir les ardeurs qu'elles causent. Et le langage des soupirs et des yeux se fait entendre mieux qu'à tout autre à celle à qui ils s'adressent. Laissons-la, Clitidas, laissons-la voir si elle peut. Dans mes soupirs et mes regards, l'amour que ces charmes m'inspirent, mais gardons bien que par nulle autre voie, elle n'en apprenne jamais rien. Et qu'appréhendez-vous? Oh! Est-il possible qu'un homme, si assuré dans la guerre, soit si timide en amour, et que je le vois trembler à dire seulement qu'il est? Ah, Clitidas, je tremble avec raison. Et tous les Gaulois du monde ensemble sont bien moins redoutables que deux beaux yeux pleins de charme. Je ne suis pas de cet avis. Et je sais bien pour moi qu'un seul Gaulois, l'épée à la main, me ferait beaucoup plus trembler que 50 beaux yeux ensemble les plus charmants du monde. Non, dites-moi un peu, qu'espérez-vous faire? Mourir sans déclarer ma passion. Oh, l'espérance est belle. Allez, allez, vous vous moquez! Un peu de hardiesse réussit toujours aux amants. Il n'y a en amour que les honteux qui perdent. Je dirais ma passion à une déesse, moi, si j'en devenais amoureux. Trop de choses, hélas, condamnent mes feux à un éternel silence. Quoi? La bassesse de ma fortune, dont il plaît au ciel de rabattre l'ambition de mon amour, le rang de la princesse qui met entre elle et mes désirs une distance si fâcheuse, la concurrence de deux princes, appuyés de tous les grands titres qui peuvent soutenir la prétention de leur flamme, de deux princes qui, parmi les mille magnificences, se disputent à tout moment la gloire de sa conquête et sur l'amour de qui l'on attend tous les jours de voir son choix se déclarer. Mais plus que tout, Clitidas, le respect inviolable où ses beaux yeux assujettissent toute la violence de mon ardeur. Le respect, bien souvent, n'oblige pas tant que l'amour. Et je me trompe fort. Où la jeune princesse a connu votre flamme et n'y est pas insensible. Ah, ne t'avise pas de vouloir flatter par pitié le cœur d'un misérable. Ma conjecture est fondée. Je lui vois reculer beaucoup le choix de son époux. Et je veux éclaircir un peu cette petite affaire-là. Vous savez que je suis auprès d'elle en quelque espèce de faveur, que j'y ai les accès ouverts, et qu'à force de me tourmenter, je me suis acquis le privilège de me mêler à la conversation et de parler à tort et à travers de toutes choses. Mais quelquefois, ça ne me réussit pas. Mais quelquefois aussi, ça me réussit. Laissez-moi faire, je suis de vos amis. Les gens de mérite me touchent et je veux prendre mon temps pour entretenir la princesse. Oh, de grâce! Quelque bonté que mon malheur t'inspire, garde-toi bien de lui rien dire de ma flamme. J'aimerais mieux mourir que de pouvoir être accusé par elle de la moindre témérité. Et ce profond respect ou ces charmes divins. Taisons-nous, voici tout le monde. Prince, je ne puis me lasser de le dire. Il n'est point de spectacle au monde qui puisse le disputer en magnificence à celui que vous venez de nous donner. Cette fête a eu des ornements qui l'emportent sans doute sur tout ce que l'on saurait voir. Et elle vient de produire à nos yeux quelque chose de si noble, de si grand, de si majestueux que le ciel même ne saurait aller au-delà. Ce sont des ornements dont on ne peut pas espérer que toutes les fêtes soient embellies. Et je dois fort trembler, madame, pour la simplicité du petit divertissement que je m'apprête à vous donner dans le bois de Diane. Oh, je crois que nous n'y verrons rien que de fort agréable. Car vous prenez soin l'un et l'autre de nous y combler de tous les divertissements qui peuvent charmer les chagrins des plus mélancoliques. Julien Sestrade, qu'on ne vous a point vu dans notre promenade? Une petite indisposition, madame, m'a empêché de m'y trouver. Sestrade est de ces gens, madame, qui croient qu'il ne sied pas bien d'être curieux comme les autres. Et il est beau d'affecter, de ne pas courir où tout le monde court. Seigneur, l'affectation n'a guère de part à tout ce que je fais. Et, sans vous faire compliment, il y avait des choses à voir dans cette fête qui pouvaient m'attirer, si quelque autre motif ne m'avait retenu. Éclididas, a-t-il vu ça? Oh, oui, madame. Mais du rivage. Et pourquoi du rivage? Ma foi, madame, j'ai craint quelqu'un des accidents qui arrivent d'ordinaire dans ces confusions. Cette nuit, j'ai songé de poissons morts et d'œufs cassés. Et j'ai appris du seigneur Anaxarc que les œufs cassés et le poisson mort signifient malencontre. Je remarque une chose, que Clitidas n'aurait rien à dire s'il ne parlait de moi. C'est qu'il y a tant de choses à dire de vous qu'on en saurait parler assez. Vous pourriez prendre d'autres matières, puisque je vous en ai prié. Le moyen? Ne dites-vous pas que l'ascendant est plus fort que tout? Et s'il est écrit dans les astres que je sois enclin à parler de vous, comment voulez-vous que je résiste à ma destinée? Avec tout le respect, madame, que je vous dois, il y a une chose qui est fâcheuse dans votre cour. Que tout le monde y prenne liberté de parler et que le plus honnête homme y soit exposé aux railleries du premier méchant plaisir. Je vous rends grâce de l'honneur. Que vous chagrinez de ce qu'il dit. Avec tout le respect que je dois à madame, il y a une chose qui m'étonne dans l'astrologie. Comment des gens qui savent tous les secrets des dieux et qui possèdent des connaissances à se mettre au-dessus de tous les hommes aient besoin de faire leur cours et de demander quelque chose? Vous devriez gagner un peu mieux votre argent et donner à madame de meilleures plaisanteries. Ma foi, on lui donne tel qu'on peut. Vous en parlez à votre aise. Et le métier de plaisant n'est pas comme celui d'astrologue. Bien mentir et bien plaisanter sont deux choses différentes. Et il est bien plus facile de tromper les gens que de les faire rire. Qu'est-ce donc que cela veut dire? Paix impertinent que vous êtes! Ne savez-vous pas bien que l'astrologie est une affaire d'État? Et qu'il ne faut point toucher à cette corde-là? Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous vous émancipez trop! Et vous prenez de certaines libertés qui vous joueront un mauvais tour, je vous en avertis. Vous verrez qu'un de ces jours, on vous donnera du pied au cul. Avec sa main, comme si c'était un second personnage. On vous chassera, comme un faquin. Taisez-vous si vous êtes sage. Où est ma fille? Madame, elle s'est écartée. Et je lui ai présenté une main qu'elle a refusé d'accepter. Prince, puisque l'amour que vous avez pour Eriphile a bien voulu se soumettre aux lois que j'ai voulu vous imposer, puisque j'ai su obtenir de vous que vous fussiez rivaux, sans devenir ennemis, et qu'avec pleine soumission aux sentiments de ma fille, vous attendez un choix dont je l'ai faite seule maîtresse. Ouvrez-moi tous deux le fond de votre âme, et me dites sincèrement quel progrès vous croyez l'un et l'autre avoir fait sur son cœur. Madame, je ne suis point pour me flatter. J'ai fait ce que j'ai pu pour toucher le cœur de la princesse Eriphile, et je m'y suis pris, je crois, de toutes les tendres manières dont un amant se peut servir. Je lui ai fait des hommages soumis de tous mes voeux, j'ai montré des assiduités, j'ai rendu des soins chaque jour, j'ai fait chanter ma passion aux voix les plus touchantes, je l'ai fait exprimer en vers aux plumes les plus délicates, je me suis plaint de mon martyre en des termes passionnés, j'ai fait dire à mes yeux, aussi bien qu'à ma bouche, le désespoir de mon amour, j'ai poussé à ses pieds des soupirs languissants, j'ai même répandu des larmes, mais tout cela inutilement. Et je n'ai point connu qu'elle ait dans l'âme aucun ressentiment de mon ardeur. Et vous, prince? Pour moi, madame, connaissant son indifférence et le peu de cas qu'elle fait des devoirs qu'on lui rend, je n'ai voulu perdre auprès d'elle ni plainte, ni soupir, ni larmes. Je sais qu'elle est toute soumise à vos volontés et que ce n'est que de votre main seule qu'elle voudra prendre un époux. Aussi n'est-ce qu'à vous que je m'adresse pour l'obtenir. À vous plutôt qu'à elle que je rends tous mes soins et tous mes hommages. Et plutôt au ciel, madame, que vous eussiez pu vous résoudre à tenir sa place, que vous eussiez voulu jouir des conquêtes que vous lui faites et recevoir pour vous les vœux que vous lui renvoyez. Prince, le compliment est d'un amant adroit. Et vous avez entendu dire qu'il fallait cajoler les mères pour obtenir les filles. Mais ici, par malheur, tout cela devient inutile. Et je me suis engagée à laisser le soin tout entier à l'inclination de ma fille. Quelque pouvoir que vous lui donniez pour ce choix, ce n'est point compliment, madame, que ce que je vous dis. Je ne recherche la princesse Eriphile que parce qu'elle est votre sang. Je la trouve charmante par tout ce qu'elle tient de vous. Et c'est vous que j'adore en elle. Voilà qui est fort bien. Oh oui, madame, toute la terre voit en vous des attraits et des charmes. Non, non, de grâce, prince. Ôtons ses charmes et ses attraits. Vous savez que ce sont des mots que je retranche des compliments qu'on veut me faire. Je souffre qu'on me loue de ma sincérité, qu'on dise que je suis une bonne princesse, que j'ai de la parole pour tout le monde, de la chaleur pour mes amis et de l'estime pour le mérite et la vertu. Je puis tâter de tout cela. Mais pour les douceurs de charme et d'attraits, je suis bien aise qu'on ne m'en serve point. Et quelques vérités qui s'y puissent rencontrer. On doit faire quelques scrupules d'en goûter la louange quand on est mère d'une fille comme la mienne. Oh, madame, mais c'est vous qui voulez être mère malgré tout le monde. Il n'est point Dieu qui ne s'y oppose. Et si vous le vouliez, la princesse Eriphile ne serait que votre sœur. Mon Dieu, prince, je ne donne point dans tous ces galimatias où donnent la plupart des femmes. Je veux être mère parce que je la suis. Et ce serait en vain que je ne la voudrais pas être. Ce titre n'a rien qui me choque, puisque de mon consentement, je me suis exposée à le recevoir. C'est un faible de notre sexe dont, grâce au ciel, je suis exempte. Et je ne m'embarrasse point de ces grandes disputes d'âge. Sur quoi nous voyons tant de folles. Revenons à notre discours. Est-il possible que jusqu'ici vous n'ayez pu connaître où penche l'inclination d'Eriphile ? Ah, ce sont obscurités pour moi. Oui, c'est pour moi un mystère impénétrable. La pudeur peut-être l'empêche de s'expliquer à vous et à moi. Servons-nous de quelque autre pour découvrir les chemins de son cœur ? Sostrate, prenez cette commission. Et rendez ce service à ces princes, de savoir adroitement de ma fille vers qui des deux ses sentiments peuvent tourner. Madame, vous avez 100 personnes dans votre cour sur qui vous pourriez mieux verser l'honneur d'un tel emploi. Et je me sens mal propre à bien exécuter ce que vous souhaitez de moi. Votre mérite, Sostrate, n'est point borné aux seuls emplois de la guerre. Vous avez de l'esprit, de la conduite, de l'adresse. Et ma fille fait cas de vous. Quelque autre mieux que moi. Non, en vain vous vous en défendez. Puisque vous le voulez, madame, il vous faut obéir. Mais je vous jure que dans toute votre cour, vous ne pouviez trouver personne qui ne fût en état de s'acquitter beaucoup mieux que moi d'une telle commission. C'est trop de modestie. Et vous vous acquitterez toujours bien de toutes les choses dont on vous chargera. Découvrez doucement les sentiments d'Eriphile et faites-la ressouvenir qu'il faut se rendre de bonne heure dans le bois de Diane. Vous pouvez croire que je prends part à l'estime que la princesse vous témoigne. Vous pouvez croire que je suis ravi du choix que l'on a fait de vous. Vous voilà en état de servir vos amis. Vous avez de quoi rendre de bons offices aux gens qu'il vous plaira. Je ne vous recommande point mes intérêts. Je ne vous dis pas de parler pour moi. Seigneur, c'est inutile. J'aurais tort de passer les ordres de ma commission. Et vous trouverez bon que je ne parle ni pour l'un, ni pour l'autre. Je vous laisse agir comme il vous plaira. Vous en userez comme vous voudrez. Clitida se ressouvient bien qu'il est de mes amis. Je lui recommande toujours de prendre mes intérêts auprès de sa maîtresse contre ceux de mon rival. Laissez-moi faire. Il y a bien de la comparaison de lui à vous. Et c'est un prince bien bâti pour vous le disputer. Je reconnaîtrai ce service. Mon rival fait sa cour à Clitidas, mais Clitidas sait bien qu'il m'a promis d'appuyer contre lui les prétentions de mon amour. Assurément. Il se moque de croire l'emporter sur vous. Voilà auprès de vous un bon petit morveux de prince. Il n'y a rien que je fasse pour Clitida. Belle parole de tous côtés. Voici la princesse. Prenons mon temps pour l'aborder. Vous trouvez étrange, madame, que vous vous soyez ainsi éloignée de tout le monde? Ah, qu'aux personnes comme nous qui sommes toujours accablées de tant de gens, un peu de solitude et parfois agréable. Et qu'après mille impertinents entretiens, il est doux de s'entretenir avec sa pensée. On me laisse ici promener toute seule. Aussitôt paraît le lion, suivi de l'agneau. Première fable de La Fontaine. Et derrière eux, les animaux, le renard, le lièvre, le singe, le bon chien, l'ours, le cerf, l'âne, le tigre, l'ours naturellement avec son pavé, un peu maladroit, et tout le monde a salué. La princesse. Qui servent aux grâces de modèle et qui naquissent toutes belles, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir, celle-ci prends bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Les petites grenouilles apportent des tabourets. L'agneau toujours à côté de la princesse. L'ours avec son pavé qu'il finit par poser sur le tabouret maladroitement. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontre bergère à son gré. Voici la petite bergère et le lion amoureux. Il détaille ses charmes. S'approche d'elle. Lui déclare sa flamme et lui fait signe qu'elle ne veut rien savoir. Mais il revient à la charge, elle l'écarte. Il la demande en mariage. Le père, dont ouvertement n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Mmh. les griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Oh. Lididas. Je ne vous avais pas vu là, madame. Approche. Sortie des animaux et de Monsieur de La Fontaine, reste en scène Lididas et Eriphée. Que viens-tu ? De laisser la princesse, votre mère, qui s'en allait vers le temple d'Apollon, accompagnée de beaucoup de gens. Ne trouves-tu pas ces lieux les plus charmants du monde? Assurément. Les princes, vos amants, y étaient. Le fleuve Péné fait d'ici d'agréables détours. Fort agréable. Sostrate y était aussi. D'où vient qu'il n'est pas venu à la promenade? Il a quelque chose dans la tête qui l'empêche de prendre plaisir à tous ces beaux régals. Il m'a voulu entretenir, mais vous m'avez défendu si expressément de me charger d'aucune affaire auprès de vous que je n'ai point voulu lui prêter l'oreille. Je lui ai dit nettement que je n'avais pas le loisir de l'entendre. Tu as eu tort de lui dire cela et tu devais l'écouter. Je lui ai dit d'abord que je n'avais pas le loisir de l'entendre, mais après je lui ai donné audience. Oh, tu as bien fait. En vérité, c'est un homme qui me revient. Un homme fait comme je veux que les hommes soient faits. Oui, ne prenant point de manière bruyante et des tons de voix sommants. Sage et posé en toutes choses. Ne parlant jamais que bien à propos. Point prompt à décider. Point du tout exagérateur incommode. Et quelques beaux vers que nos poètes lui aient récités, je ne lui ai jamais ouï dire « Voilà qui est plus beau que tout ce qu'a jamais fait Homer. » Enfin, c'est un homme pour qui je me sens de l'inclination. Et si j'étais princesse, il ne serait pas malheureux. C'est un homme d'un grand mérite, assurément. Mais de quoi t'a-t-il parlé? Ah, il m'a demandé si vous aviez témoigné grande joie au magnifique régal que l'on vous a donné. M'a parlé de votre personne avec des transports les plus grands du monde. Vous a mise au-dessus du ciel. Et vous a donné toutes les louanges qu'on peut donner à la princesse la plus accomplie de la terre. Entremêlant tout cela de plusieurs soupirs qui en disaient plus qu'ils ne voulaient. Enfin, à force de tourner de tous côtés et de le presser sur la cause de cette profonde mélancolie dont toute la cour s'aperçoit, il a été contraint de m'avouer qu'il était amoureux. Comment amoureux? Quelle témérité est la sienne? C'est un extravagant que je ne reverrai de ma vie. Mais de quoi vous plaignez-vous, madame? Pour avoir l'audace de m'aimer et de plus avoir l'audace de le dire. Ce n'est pas vous, madame, dont il est amoureux. Ce n'est pas moi. Non, madame. Il vous respecte trop pour cela. Et trop sage pour y penser. Et de qui donc, Lididas? D'une de vos filles d'honneur. La jeune Arsinoé. A-t-elle tant d'appât qu'il n'ait trouvé qu'elle digne de son amour? Il l'aime éperdument et vous conjure d'honorer sa flamme de votre protection. Moi? Non. Non, madame, non. Je vois bien que la chose ne vous plaît pas. Votre colère m'a obligé à prendre ce détour. Et pour vous dire la vérité, c'est vous qui l'aime éperdument. Vous êtes un insolent de venir ainsi surprendre mes sentiments. Allez, sortez d'ici. Ah, vous vous mêlez de vouloir lire dans les âmes, de vouloir pénétrer dans les secrets du cœur d'une princesse. Ôtez-vous de mes yeux et que je ne vous vois jamais. Lididas. Madame. Venez ici, je vous pardonne cette affaire-là. Votre bonté, madame. Mais à condition. Prenez bien garde à ce que je vous dis. que vous n'en ouvrirez la bouche à personne du monde sous peine de la vie. Il suffit. Sostrate t'a donc dit qu'il m'aimait. Non, madame. Non, il faut vous dire la vérité. J'ai tiré de son cœur, par surprise, un secret qu'il veut cacher à tout le monde et avec lequel il est, dit-il, résolu de mourir. Il a été au désespoir du vol subtil que je lui en ai fait. Et bien loin de me charger de vous le découvrir, il m'a conjuré avec toutes les instantes prières qu'on saurait faire de ne vous en rien dévoiler. Et c'est trahison contre lui que ce que je viens de vous dire. Tant mieux. C'est par son seul respect qu'il peut me plaire. Et s'il était si hardi que de me déclarer son amour, il perdrait pour jamais et ma présence et mon estime. Ne craignez point, madame. Le voici. Prenez bien garde, moi, si vous êtes sage, à la défense que je vous ai faite. Cela est fait, madame. Il ne faut pas être courtisan indiscret. Sostrate hésite à aborder une file. J'ai une excuse, madame, pour oser interrompre votre solitude. Et j'ai reçu de la princesse, votre mère, une commission qui autorise la hardiesse que je prends maintenant. Quelle commission, Sostrate? Celle, madame, de tâcher d'apprendre de vous vers lequel des deux princes peut incliner votre cœur. La princesse, ma mère, montrait l'esprit judicieux dans le choix qu'elle a fait de vous pour un pareil emploi. Cette commission, Sostrate, vous a été agréable, sans doute. Et vous l'avez acceptée avec beaucoup de joie. Je l'ai acceptée, madame, par la nécessité que mon devoir m'impose d'obéir. Et si la princesse avait voulu recevoir mes excuses, elle aurait honoré quelque autre de cet emploi. Quelle cause, Sostrate, vous obligeait à le refuser? La crainte, madame, de m'en acquitter mal. Croyez-vous que je ne vous estime pas assez pour vous ouvrir mon cœur? Il vous donner toutes les lumières que vous pourrez désirer de moi sur le sujet de ces deux princes. Je ne désire rien pour moi là-dessus, madame. Et je ne vous demande que ce que vous croirez devoir donner aux ordres qui m'amènent. Jusqu'ici, je me suis défendue de m'expliquer. Et la princesse, ma mère, a eu la bonté de souffrir que j'ai reculé toujours ce choix qui me doit engager. Mais je serais bien aise de témoigner à tout le monde que je veux faire quelque chose pour l'amour de vous. Et si vous m'en pressez, je rendrai cet arrêt qu'on attend depuis si longtemps. C'est une chose, madame, dont vous ne serez point importunée par moi. Et je ne saurais me résoudre à presser la princesse qui s'est trouvée là à faire. Mais c'est ce que la princesse, ma mère, attend de vous. Mais n'ai-je pas dit aussi que je m'acquitterais mal de cette commission? Oh, ça, Sostrate, les gens comme vous ont toujours les yeux pénétrants. Et je pense qu'il ne doit guère y avoir de choses qui échappent aux vôtres. N'ont-ils pu découvrir vos yeux sur tout le monde? N'ont-ils pas donné quelques petites lumières du penchant de mon cœur? Vous voyez les soins qu'on me rend, l'empressement qu'on me témoigne. Lequel de ces deux princes, dites-moi, croyez-vous que je regarde d'un œil plus doux? Les doutes que l'on forme sur ces sortes de choses ne sont réglés d'ordinaire que par les intérêts qu'on prend. Mais pour qui, Sostrate, pencheriez-vous des deux? Quel est celui, dites-moi, que vous souhaiteriez que j'épousasse? Oh, madame! Ce ne sont pas mes souhaits, mais votre inclination qui décidera de la chose. Mais si je me conseillais à vous pour ce choix? Si vous vous conseillez à moi, je serais fort embarrassé. Vous ne pourriez pas dire qui des deux vous semble le plus digne de cette préférence? Si l'on s'en rapporte à mes yeux, il n'y aura personne qui soit digne de cet honneur. Tous les princes du monde seront trop peu de choses pour aspirer à vous. Les dieux seuls y pourront prétendre. Et vous ne souffrirez des hommes que l'encens et les sacrifices. Cela est obligeant et vous êtes de mes amis. Mais je veux que vous me disiez pour qui vous vous sentez plus d'inclination. Quel est celui que vous mettez le plus au rang de vos amis? Madame, voilà la princesse qui vient vous prendre ici pour le bois de Diane. Hélas, petit garçon. Que tu es venu à propos. Disparaît. Calliste et toujours infortuné. Il n'est plus j'aime si froid et si sévère, dont la présente ardeur d'un cœur qui persévère ne vainque la froideur. Il est dans les affaires des amoureux mystères, certains petits moments sont les plus fiers et fondeurs amants. Je la vois, la cruelle, qui porte ici ses pas. Gardons d'être vus d'elle, l'ingrate hélas n'y viendrait pas. Amants n'osent s'approcher d'elle. Donne-toi à lui tout entière. Elle s'étend sur l'herbe et s'endort. De nouveau, l'ours avec son pavé est toujours aussi gauche. Il essaie d'attraper une mouche qui taquinait le sommeil de la petite villageoise. L'agneau revient, fuyant toujours le loup qui le poursuit. Et les trois amoureux reviennent, apercevant Calliste endormi. Ils s'approchent, se mettent à genoux. Suivi d'un autre faune, furieux contre Calliste. Oh. C'est Chloris de mon cœur pour te remettre à sa place. Bien qu'avec pleine tendresse, Myrtille me puisse chérir, avec toi je le confesse. Je voudrais vivre et mourir. Déjà manger l'agneau à nouveau, aussi que paraît l'âne. C'est lui qui frappe du pied. Et Clitidas paraît, suivi d'Anaxarque et des princesses. Bien obligé à ces princes. Et vous le seriez assez reconnaître tous les soins qu'ils prennent pour vous. J'en ai, madame, tout le ressentiment qu'il est possible. Cependant, vous les faites longtemps languir sur ce qu'ils attendent de vous. J'ai promis de ne pas vous contraindre. Mais leur amour vous presse de vous déclarer et de ne plus traîner en longueur la récompense de leur service. J'ai chargé Sostrate de savoir doucement de vous les sentiments de votre cœur. Et je ne sais s'il a commencé à s'acquitter de cette commission. Oui, madame. Mais il me semble que je ne puis assez reculer ce choix dont on me presse. Et je ne saurais le faire sans mériter quelques blâmes. Je me sens également obligée à l'amour, aux empressements, au service de ces deux princes. Et je trouve une espèce d'injustice bien grande à me montrer ingrate vers l'un ou vers l'autre. Par le refus qu'il m'en faudra faire dans la préférence de son rival. Cela s'appelle, madame, un fort honnête compliment pour nous refuser tous deux. Non, ma fille, ce scrupule ne doit pas vous inquiéter. Et ces princes, tous deux, se sont soumis il y a longtemps à la préférence que pourra faire votre inclination. L'inclination, madame, est fort sujette à se tromper. Et des yeux désintéressés sont beaucoup plus capables de faire un juste choix. Vous savez que je suis décidée à ne pas me prononcer là-dessus. Et parmi ces deux princes, votre inclination ne peut se tromper ou faire un choix qui soit mauvais. Pour ne point violenter votre parole ni mon scrupule, agréez, madame, un moyen que j'ose proposer. Quoi, ma fille? Que Sostrate décide de cette préférence. Mmh. Vous l'avez pris pour découvrir le secret de mon cœur. Souffrez que je le prenne pour me tirer de l'embarras où je me trouve. J'estime tant Sostrate que soit que vous vouliez vous servir de lui pour expliquer vos sentiments, ou soit que vous vous en mettiez absolument à sa conduite, je fais dis tant d'estime de sa vertu et de son jugement. Que je consens de tout mon cœur à la proposition que vous me faites. C'est-à-dire, madame, qu'il nous faut faire notre cours à Sostrate. Non, seigneur, vous n'aurez pas de cours à me faire. Et avec tout le respect que je dois aux princesses, je renonce à la gloire où elles me veulent élever. D'où vient cela, Sostrate? J'ai des raisons, madame, qui ne permettent pas que je reçoive l'honneur que vous me présentez. Craignez-vous, Sostrate, de vous faire un ennemi? Je craindrais peu, seigneur, les ennemis que je pourrais me faire en obéissant à mes souverains. Mais par quelle raison donc refusez-vous d'accepter le pouvoir qu'on vous donne et de vous acquérir l'amitié d'un prince qui vous devrait tout son bonheur? Par la raison que je ne suis pas en état d'accorder à ce prince ce qu'il souhaiterait de moi. Quelle pourrait être cette raison? Pourquoi me tant presser là-dessus? Peut-être ai-je, seigneur, quelque intérêt secret qui s'oppose aux prétentions de votre amour, peut-être. Ai-je un ami qui brûle, sans oser le dire, d'une flamme respectueuse pour les charmes divins dont vous êtes épris? Peut-être que cet ami me fait tous les jours confidence de son martyre, qu'il se plaint à moi tous les jours des rigueurs de sa destinée et regarde l'hymen de la princesse, ainsi que l'arrêt redoutable qui le doit pousser au tombeau. Et si cela était, seigneur, serait-il raisonnable que ce fût de ma main qu'il reçût le coup de sa mort? Vous auriez bien la mine, Sostrate, d'être vous-même cet ami dont vous prenez les intérêts. Ne cherchez point de grâce à me rendre odieux aux gens qui vous écoutent. Je sais me connaître, seigneur, et les malheureux comme moi savent bien jusque où leur fortune leur permet d'aspirer. Laissons cela. Nous trouverons moyen de terminer l'irrésolution de ma fille. En est-il un meilleur, madame, pour terminer les choses au contentement de tout le monde, que les lumières que le ciel peut donner sur ce mariage? J'ai commencé, comme je vous ai dit, à jeter pour cela les figures mystérieuses que notre art nous enseigne, et j'espère vous faire voir tantôt ce que l'avenir garde à cette union souhaitée. Après cela, pourra-t-on balancer encore la gloire et les prospérités que le ciel promettra, ou à l'un ou à l'autre choix, ne seront-elles pas suffisantes pour le déterminer? Et celui qui sera exclu pourra-t-il s'offenser quand ce sera le ciel qui décidera cette préférence? Pour moi, je m'y soumets entièrement et je déclare que cette voie me semble la plus raisonnable. Je suis du même avis. Et le ciel ne saurait rien faire où je ne souscrive sans répugnance. Mais, seigneur Anaxar, que voyez-vous si clair dans les destinées que vous ne vous trompiez jamais? Et ces prospérités, cette gloire que vous dites que le ciel nous promet, qui en sera caution, je vous prie? Ma fille, vous avez une petite incrédulité qui ne vous quitte point. Les épreuves, madame, que tout le monde a vues de l'infaillibilité de mes prédictions sont les cautions suffisantes des promesses que je puis faire. Mais enfin, quand je vous aurai fait voir ce que le ciel vous marque, vous vous réglerez là-dessus à votre fantaisie. Et ce sera à vous à prendre la fortune de l'un ou de l'autre choix. Le ciel, Anaxarque, me marquera donc les deux fortunes qui m'attendent. Oui, madame, les félicités qui vous suivront si vous épousez l'un, et les disgrâces qui vous accompagneront si vous épousez l'autre. Mais comme je ne puis les épouser tous les deux, il faut donc que l'on trouve écrit dans le ciel non seulement ce qui doit arriver, mais aussi ce qui ne doit pas arriver. Voilà mon astrologue qui est embarrassé. Il faudrait vous faire, madame, une longue discussion des principes de l'astrologie pour vous faire comprendre cela. Bien répondu. Madame, je ne dis point de mal de l'astrologie. L'astrologie est une belle chose et le seigneur Anaxarque est un grand homme. La vérité de l'astrologie est une chose incontestable. Il n'y a personne qui puisse disputer contre la certitude de ses prédictions. Assurément. Je suis assez incrédule sur quantité de choses. Mais pour ce qui est de l'astrologie, il n'y a rien de plus sûr ni de plus constant que le succès des horoscopes qu'elle tire. Ce sont des choses les plus claires du monde. Sans aventure prédite arrive tous les jours, qui convainquent les plus opiniards. Cela est vrai. Mais peut-on contester sur cette matière les incidents célèbres dont les histoires nous font foi? Il faudrait n'avoir pas le sang commun. Le moyen de contester ce qui est moulé. Sostrate, n'en dis mot. Quel est son sentiment là-dessus? Madame, tous les esprits ne sont pas nés avec les qualités qu'il faut pour la délicatesse de ces belles sciences qu'on nomme curieuses. Et il y en a de si matériels qu'ils ne peuvent aucunement comprendre ce que d'autres conçoivent le plus facilement du monde. Transformer tout en or, faire vivre éternellement, guérir par des paroles, se faire aimer de qui l'on veut, savoir tous les secrets de l'avenir, commander aux démons, se faire des armées invisibles et des soldats invulnérables, tout cela est charmant, sans doute. Il y a des gens qui n'ont aucune peine à en comprendre la possibilité. Mais, pour moi, j'ai toujours trouvé cela trop beau pour être véritable. Quel rapport, quel commerce, quelle correspondance peut-il y avoir entre nous et des globes éloignés de notre Terre d'une distance si effroyable? Et d'où cette belle science, enfin, peut-elle être venue aux hommes? Quel dieu l'a révélée? Ou quelle expérience l'a pu prouver de l'observation de ce grand nombre d'astres qu'on a pu voir encore deux fois dans la même disposition? Il ne sera pas difficile de vous le faire concevoir. Vous serez plus habile que tous les autres. Je vous ferai une discussion de tout cela quand vous voudrez. Si vous ne comprenez pas les choses, au moins les pouvez-vous croire sur ce que l'on voit tous les jours. Comme mon sens est si grossier qu'il n'a pu rien comprendre, mes yeux aussi sont si malheureux qu'ils n'ont jamais rien vu. Pour moi, j'ai vu. Et des choses les plus convaincantes. Et moi aussi. Comme vous avez vu, vous faites bien de croire. Il faut que vos yeux soient faits autrement que les miens. Mais enfin, la princesse croit à l'astrologie. Et il me semble qu'on y peut bien croire après elle. Est-ce que Madame Sostrate n'a pas de l'esprit et du sens? Seigneur, la question est un peu violente. L'esprit de la princesse n'est pas une règle pour le mien. Et son intelligence peut l'élever à des lumières où mes sens ne peut pas atteindre. Non, Sostrate, je ne vous dirai rien sur quantité de choses auxquelles je ne donne guère plus de créance que vous. Mais pour l'astrologie, on m'a dit et fait voir des choses aussi positives que je ne la puis mettre en doute. Madame, je n'ai rien à répondre à cela. Quittons ce discours et qu'on nous laisse un moment. Dressons notre promenade, ma fille, vers cette belle grotte où j'ai promis d'aller. Des galanteries à chaque pas. Danse entouré des statues. Très grand seigneur, une grande canne à la main, tout vêtu de blanc. Il est le plus gracieux du monde. C'est un chat comme on n'en fait point le plus beau. Faisait des rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Danse, candélabre à la main. Des rats un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y avait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. Et voici à nouveau le chat. Tous les rats ont disparu. Mais ils reviennent l'un après l'autre. Thank you. vous entendez tinter le grelot. Mais qui donc mettra le grelot au cou du chat? Personne n'a eu ce courage, et de nouveau, les rats ont disparu. La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Si pourtant il y a quelqu'un, c'est Clitidas, qui cette fois va lutter avec le chat. Et de quelle manière? Ma fille, j'ai voulu me séparer de tout le monde pour vous entretenir, et je veux que vous ne me cachiez rien de la vérité. N'auriez-vous pas dans l'âme quelque inclination secrète que vous ne vouliez pas nous dire? Moi, madame? Parlez à cœur ouvert, ma fille. Ce que j'ai fait pour vous mérite bien que vous usiez avec moi de franchise. Tournez vers vous toutes mes pensées, vous préférez à toute chose, et fermez l'oreille, en l'état où je suis, à toutes les propositions que 100 princesses en ma place écouteraient avec bienséance. Tout cela vous doit laisser persuader que je suis une bonne mère et que je ne suis pas pour recevoir avec sévérité les ouvertures que vous pourriez me faire de votre cœur. Si j'avais si mal suivi votre exemple que de m'être laissé aller à quelques sentiments d'inclination que j'eusse raison de cacher, j'aurais, madame, assez de pouvoir sur moi-même pour imposer silence à cette passion et me mettre en état de ne rien faire voir qui fût indigne de votre sang. Non, non, ma fille, vous pouvez sans scrupule m'ouvrir vos sentiments. Je n'ai point enfermé votre inclination dans le choix de deux princes. Vous pouvez l'étendre où vous voudrez. Et le mérite auprès de moi tient un rang si considérable que je l'égale à tout. Et si vous m'avouez franchement les choses, vous me verrez souscrire sans répugnance au choix qu'aura fait votre cœur. Vous avez des bontés pour moi, madame, dont je ne puis assez me louer. Mais je ne les mettrai point à l'épreuve sur le sujet dont vous me parlez. Et tout ce que je leur demande, c'est de ne pas apprécier un mariage où je ne me sens pas encore bien résolue. Jusqu'ici, je vous ai laissé assez maîtresse de tout. Mais l'impatience des princes, vos amants... Est-ce que j'entends? Oh, ma fille! Quelque divinité descend ici! Et c'est la princesse Vénus qui semble nous vouloir parler! Nous apprendrons tout à l'heure que cette Vénus est une fausse Vénus. Princesse, dans tes soins brille un zèle exemplaire qui par les immortels doit être. choix ils feront pour jamais entrer dans ta famille. De tes difficultés, termine donc le cours et pense à donner ta fille à qui sauvera tes jours. Les dieux imposent le silence à tous nos raisonnements. Et après cela, nous n'avons plus rien à faire qu'à recevoir ce qu'ils s'apprêtent à nous donner. Et vous venez d'entendre distinctement leur volonté. Allons dans le premier temple les assurer de notre obéissance et leur rendre grâce de leur bonté. Enfin, mon fils, le stratagème a réussi. Notre Vénus a fait des merveilles. Et la joie d'Anaxarque, après le bon tour qu'il a joué, éclate. Les statues, les fausses statues, sont à nouveau descendues de leur socle, toutes prêtes à quitter la grotte. Il a ajusté ses lumières et habillé ses personnages, qu'il y a peu de gens qui n'y eussent été trompés. Et comme la princesse Aristione est fort superstitieuse, il ne faut point douter qu'elle ne donne à pleine tête dans cette tromperie. Il y a longtemps, mon fils, que je prépare cette machine et me voilà tantôt au but de mes prétentions. Mais pour lequel des deux princes, au moins ? Dressez-vous tous cet artifice. Tous deux ont recherché mon assistance et je leur promets à tous deux la faveur de mon art. Mais les présents du prince Iphicrate et les promesses qu'il m'a faites l'emportent de beaucoup sur tout ce qu'a pu faire l'autre. Ainsi, ce sera lui qui recevra les effets favorables de tous les ressorts que je fais jouer. Et comme son ambition me devra toute chose, voilà mon fils notre fortune faite. Je vais prendre mon temps pour affermir dans son erreur l'esprit de la princesse, pour la mieux prévenir encore par le rapport que je lui ferai voir adroitement des paroles de Vénus, avec les prédictions des figures célestes que je lui dis que j'ai jetées. Ah, va t'en tenir la main au reste de l'ouvrage. Préparez nos hommes à se bien cacher dans leur barque, derrière le rocher. Apposément attendre le temps que la princesse Aristione vient tous les soirs se promener seule sur le rivage, à se jeter bien à propos sur elle, ainsi que des corsaires. Et donner lieu au prince Iphicrate à lui apporter ce secours qui, sur les paroles du ciel, doit mettre entre ses mains la princesse Eriphile. Ce prince est averti par moi, et sur la foi de ma prédiction, il doit se tenir dans ce petit bois qui borde le rivage. Mais sortons de cette grotte, je te dirai en marchant toutes les choses qu'il faut bien observer. Oh, voici la princesse Eriphile, évitons sa rencontre. Quelle est ma destinée? Et qu'ai-je fait aux dieux pour mériter les soins qu'ils veulent prendre de moi? Le voici, madame, que j'ai trouvé. Et à vos premiers ordres, il n'a pas manqué de me suivre. Qu'il approche, Cléanis, et qu'on nous laisse seuls un moment. Sostrate, vous m'aimez. Moi, madame. Laissons cela, Sostrate. Je le sais, je l'approuve, et vous permets de me le dire. Votre passion a paru à mes yeux accompagnée de tout le mérite qui me la pouvait rendre agréable. Si ce n'était le rang où le ciel m'a fait naître, je puis vous dire que cette passion n'aurait pas été malheureuse et que 100 fois, je lui ai souhaité l'appui d'une fortune qui pût mettre pour elle en pleine liberté les secrets sentiments de mon âme. Ce n'est pas, Sostrate, que le mérite seul n'est à mes yeux tout le prix qu'il doit avoir, et que dans mon cœur, je ne préfère les vertus qui sont en vous à tous les titres magnifiques dont les autres sont revêtus. Ce n'est pas même que la princesse ma mère ne m'ait assez laissé la disposition de mes voeux. Et je ne doute point, je vous l'avoue, que mes prières n'eussent pu tourner son consentement du côté que j'aurais voulu. Mais il est des états, Sostrate, où il n'est pas honnête de vouloir tout ce qu'on peut faire. Il y a des chagrins à se mettre au-dessus de toutes choses. Et les bruits fâcheux de la renommée vous font trop acheter le plaisir que l'on trouve à contenter son inclination. C'est à quoi, Sostrate, je ne me serais jamais résolue. et j'ai cru faire assez de fuir l'engagement dont j'étais celui-ci. Mais enfin, les dieux veulent prendre le soin eux-mêmes de me donner un époux. Et tous ces longs délais avec lesquels j'ai reculé mon mariage et que les bontés de la princesse ma mère ont accordé à mes désirs, ces délais, dis-je, ne me sont plus permis. Et il me faut résoudre à subir cet arrêt du ciel. Soyez sûr, Sostrate, que c'est avec toutes les répugnances du monde que je m'abandonne à cet Hyménée. Que si j'avais pu être maîtresse de moi, où j'aurais été à vous, où je n'aurais été à personne. Voilà, Sostrate, ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'ai cru devoir à votre mérite. Et la consolation que toute ma tendresse peut donner à votre flamme. Oh, madame, c'en est trop pour un malheureux. Je ne m'étais pas préparé à mourir avec tant de gloire. Et je cesse dans ce moment de me plaindre des destinées. Si elles m'ont fait naître dans un rang beaucoup moins glorieux que mes désirs, elles m'ont fait naître assez heureux pour attirer quelque pitié du cœur d'une grande princesse. Et cette pitié glorieuse vaut des sceptres et des couronnes, vaut la fortune des plus grands princes de la terre. Oui, madame, dès que j'ai osé vous aimer, c'est vous, madame, qui voulez bien que je me serve de ce mot téméraire. Dès que j'ai osé, dis-je, vous aimer, j'ai condamné d'abord l'orgueil de mes désirs. Je me suis fait moi-même la destinée que je devais attendre. Le coup de mon trépas, madame, n'aura rien qui me surprenne puisque je m'y étais préparé. Mais vos bontés, le comble d'un honneur que mon amour jamais n'eût osé désirer. Et je m'en vais mourir après cela le plus content et le plus glorieux de tous les hommes. Si je puis encore souhaiter quelque chose, ce sont deux grâces, madame, que je prends la hardiesse de vous demander à genoux. De vouloir souffrir ma présence jusqu'à cette heureuse Hyménée qui doit mettre fin à ma vie. Et parmi cette grande gloire et ces longues prospérités que le ciel promet à votre union, de vous souvenir quelquefois de l'amoureux Sostrate. Puis-je, divine princesse, me promettre de vous cette précieuse faveur? Allez, Sostrate, sortez d'ici. Ce n'est pas aimer mon repos que de me demander que je me souvienne de... Madame, si votre repos... Sortez, vous dis-je, épargnez ma faiblesse. Et ne m'exposez point plus que je n'ai résolu. L'agneau vient tout près de la princesse Eriphile, la console doucement se caressant à elle. Le loup vient à son tour. Il est tout doux maintenant, l'agneau peut lui caresser la main sans danger et sans crainte. Le décor change. Et voici le merveilleux décor de l'escalier monumental avec sur les marches les animaux de la fable que nous avons vus au premier tableau. De quel côté porter mes pas? Ouf! M'aviserai-je d'aller? Quoi, quel lieu puis-je croire que je trouverai maintenant la princesse Eriphile? Ce n'est pas un petit avantage que d'être le premier à porter une nouvelle! Il aperçoit enfin Eriphile et descend marche à marche en dansant comme il sait faire. Alors... Après toutes les excentricités du monde, au pied de la princesse. Oh. La voilà. Madame, je vous annonce que le ciel vient de vous donner l'époux qu'il vous destinait. Oh, laisse-moi, Kitidas, dans ma sombre mélancolie. Oh. Madame, je vous demande pardon. Je croyais faire bien de vous venir dire que le ciel vient de vous donner Sostrate pour époux. Mais puisque ça vous incommode, je rengaine ma nouvelle et me retourne droit comme je suis. Kitidas, Ola, Kitidas! Je vous laisse, madame, dans votre sombre mélancolie. Arrête d'approche, que viens-tu me dire? Rien, madame! On a parfois des empressements de venir dire aux grands de certaines choses dont ils ne se soucient pas, et je vous prie de m'excuser. Mais tu es cruel. Une autre fois, j'aurai la discrétion de ne vous pas venir interrompre. On ne me tient pas dans l'inquiétude, que viens-tu me dire? Pouf. C'est une bagatelle de Sostrate, madame, que je vous dirai une autre fois quand vous ne serez point embarrassée. Vous ne me fais point languir et m'apprends cette nouvelle. Vous la voulez savoir, madame? Mais oui, qu'as-tu à me dire de Sostrate? Une aventure merveilleuse, où personne ne s'attendait. Dis-moi vite ce que c'est. Cela ne troublera-t-il point, madame, votre sombre mélancolie? Oh, parle promptement. J'ai donc à vous dire, madame, que... Oh, que la princesse, votre mère, passait presque seule dans la forêt. Par ces petites routes qui sont si agréables. Lorsqu'un sanglier hideux, oh, oh. Ces vilains sangliers-là font toujours du désordre. Et l'on devrait les bannir des forêts bien policées. L'or dit qu'un sanglier hideux, oh. Poussé, je crois, par des chasseurs, est venu traverser la route où nous étions. Non, je devrais vous faire peut-être, pour orner mon récit, une description étendue du sanglier dont je parle. Mais vous vous en passerez, s'il vous plaît, et je me contenterai de vous dire que c'était un fort vilain animal. Oh. Il passait son chemin. Et il était bon de ne lui rien dire. De ne pas chercher de noise avec lui. Mais la princesse a voulu égayer sa dextérité. Et de son dard qu'elle lui a lancé, un peu mal à propos, ne lui en déplaise, lui a fait au-dessus de l'oreille une assez petite blessure. Le sanglier, mal morigéné, c'est impertinemment détourné contre nous. Ah ah, non, non, nous étions là, deux ou trois misérables qui avons parlé de frayeur. Chacun gagnait son arbre et la princesse sans défense demeurait exposée à la furie de la bête. C'est alors que Sostrate apparu comme si les dieux l'eussent envoyé. Bien, Kitidas. Si mon récit vous ennuie, madame, je remettrai le reste à une autre fois. Achève promptement. C'est promptement de vrai que j'achèverai. Car un peu de poltronnerie m'a empêché de voir tout le détail de ce combat. Tout ce que je puis vous dire, c'est que retournant sur la place, nous avons vu le sanglier mort, tout ventré dans son sang. Et la princesse pleine de joie nommant Sostrate son libérateur et l'époux digne et fortuné que les dieux lui marquaient pour vous. À ces paroles, j'ai cru que j'en avais assez entendu et je me suis hâté de vous en venir avant tous apporter la nouvelle. Ah, Clitidas, pouvais-tu m'en donner une qui me pût être plus agréable? Voilà qu'on vient vous trouver. Ma fille, je vois que vous savez déjà tout ce que nous pourrions vous dire. Aurez-vous quelque répugnance à récompenser de votre cœur celui à qui je dois la vie? Et refuserez-vous Sostrate pour époux? Et de la main des dieux et de la vôtre, madame, je ne puis rien recevoir qui ne me soit fort agréable. Ciel, n'est-ce point ici quelque songe tout plein de gloire où les dieux me veuillent flatter? Et quelque réveil malheureux ne me replongera-t-il point dans la bassesse de ma fortune? Madame, je viens vous dire qu'Anaxar qui a jusqu'ici abusé l'un et l'autre prince par l'espérance de ce choix qu'ils poursuivent depuis longtemps, et qu'au bruit qui s'est répandu de votre aventure, ils ont fait éclater leur ressentiment. Jusque-là que de paroles en paroles, les choses se sont échauffées. Il en a reçu quelques blessures dont on ne sait pas bien ce qui arrivera. Mais les voici. Prince, vous agissez tous deux avec une violence bien grande. Et si un Arxarque a pu vous offenser, j'étais pour vous en faire justice moi-même. Et quelle justice, madame, auriez-vous pu nous faire de lui? Si vous la faites si peu à notre rang dans le choix que vous embrassez. Ne vous êtes-vous pas soumis l'un et l'autre à ce que pourraient décider ou les ordres du ciel ou l'inclination de ma fille? Oui, madame, nous nous sommes soumis à ce qu'ils pourraient décider entre le prince Iphicrate et moi, mais non pas à nous voir rebuter tous deux. Mais si chacun de vous a bien pu se résoudre à souffrir une préférence, que vous arrive-t-il à tous deux où vous ne soyez préparés? Et que peuvent importer à l'un ou à l'autre les intérêts de son rival? Oh, mais oui, madame, il importe. C'est quelque consolation de se voir préférer un homme qui vous est égal. Et votre aveuglement est une chose épouvantable. Prince, je ne veux pas me brouiller avec une personne qui m'a fait tant de grâce que de me dire des douceurs. Et je vous prie avec toute l'honnêteté qu'il m'est possible de donner à votre chagrin un fondement plus raisonnable. De vous souvenir, s'il vous plaît, que Sostrate est revêtu d'un mérite qui s'est fait connaître à toute la Grèce et que le rang où le ciel l'élève aujourd'hui va remplir toute la distance qui était entre lui et vous. Oui, oui, madame, nous nous en souviendrons. Mais peut-être aussi vous souviendrez-vous que deux princes outragés ne sont pas deux ennemis peu redoutables. Peut-être qu'on ne goûtera pas longtemps la joie du mépris qu'on fait de nous. Je pardonne ces menaces au chagrin d'un amour qui se croit outragé. Et nous n'enverrons pas avec moins de tranquillité la fête pour nous préparer. Couronnons par ce pompeux spectacle cette merveilleuse journée. Des rats qui descendent à l'escalier, puis celui des faunes. Et naturellement, voici aussi le cher bonhomme La Fontaine. Et qui vivait en paix lorsqu'une poule survint. Le cliquetis des épées, les deux coqs se battent violemment, puis ils disparaissent pour laisser place aux singes. Puis au chat, et toujours au bon ours avec son pavé. qui ne sait pas quoi faire de ce trop lourd pavé. Mais la fontaine, très gentille, lui montre le sol. L'ours y pose le pavé et s'assoit paisiblement sur cette pierre qui le gênait tant. Le lièvre et la tortue. Perrette, pot au lait, qui vient de se casser. Les princesses la consolent de leur mieux. Et c'est maintenant tous les animaux autour de la princesse, de Clitidas, d'Eriphile et de son amant, tandis que le rideau baisse sur ce somptueux et impeccable spectacle. Mesdames, Messieurs, la Radiodiffusion et Télévision française vient de vous présenter en nouvelle émission diffusée de la Comédie française à Paris, Les Amants magnifiques, comédie en 5 actes, en prose, de Molière, mêlée de musique et entrée de ballet, intermèdes empruntés à La Fontaine, musique de Lully, orchestration et partition nouvelle d'André Jolivet. Cette comédie-ballet vous a été donnée avec le concours des artistes de la Société des comédiens français et des élèves du conservatoire, avec la voix de Roland Alexandre. C'est Charles Houlmont, rappelons-le, qui vous a présenté notre transmission.